Chapitre 4. Quand Lucciola fut hors de la portée de Roncari, elle se reprocha presque le demi-aveu qu'elle avait laissé à Nestor. Sans doute, ce cri était sorti de son cœur, mais n'aurait-il pas été plus digne d'elle-même de le contenir et de se taire? Sans doute, la grâce capricieuse du jeune homme, l'expression franche et spontanée de l'amour qu'elle lui avait inspiré, et que Nestor avait laissé voir sur le champ avec la naïveté d'un cœur honnête, l'avait profondément remuée. Mais n'était-elle pas vouée à une austère mission, et ne devait-elle pas chasser l'amour de ses rêves? Son père le proscrit et ses grands-pères les doges approuveraient-ils que la dernière des Fabiani s'est prise si subitement d'un étranger dont elle ne savait pas même le nom, et qu'elle sacrifia ainsi l'auguste tâche de relever leur maison? Elle se faisait tous ces reproches énergiques, mais elle aimait, mais elle frissonnait encore de cette nuit d'épanchement et de confidence. Mais les astres du ciel avaient été saintement invoqués par son jeune amant, mais elle pensait avec une invincible terreur à ce qui attendait Nestor dans l'île de Torcello. Lucciola savait qu'il existait depuis plusieurs années à Venise une formidable association sur laquelle la police autrichienne avait fermé les yeux ou qu'elle n'avait pas réussi à combattre. Plusieurs jeunes gens de famille avaient réuni les débris de leur patrimoine et sans avoir dans le principe d'autre raison que celle d'un découragement politique, former une société dont le premier prétexte avait été le plaisir et la débauche. Toujours en barque, animant les canaux déserts d'une fête éternelle, on les avait appelés, à cause d'une écharpe sombre qu'ils portaient autour de leurs reins, les gondoliers noirs. Ils s'en allaient fièrement, couronnés de fleurs, insultant de luxe, étourdissant de clameurs, debout dans leur barque, le front haut, le sourire aux lèvres. Ils parodiaient les anciens costumes, les anciennes splendeurs de leur patrie esclave. Avec leur jeunesse éclatante et prodigue, ils avaient attiré des femmes qui avaient dans leurs veines le sang des courtisanes reines de la Venise d'autrefois. Cependant, peu à peu tout cet or était retombé dans la mer. Il fallait en trouver, il fallait continuer cette vie scandaleusement triomphante. C'est alors que Roncari, aventureux enfant des lagunes, s'était offert à la compagnie des gondoliers noirs. La décadence politique de Venise lui amenait sans cesse de nouveaux visiteurs, qui venaient contempler l'agonie de la royale condamnée. Parmi ceux-là, ne pouvait-on point en rencontrer quelques-uns qui sacrifieraient une partie de leur fortune à des plaisirs admirablement mélangés? On en trouva, et l'association de Roncari était devenue le chef, engloutie de nouveaux patrimoines arrivés de l'étranger. Le gouvernement avait-il des espions dans la société des gondoliers? Le peuple le disait. Mais le peuple les tolérait comme il tolère toutes les débauches qui font circuler l'or. Les gondoliers noirs parcouraient les canaux toutes les nuits et variaient leurs prétextes pour amener à eux les voyageurs imprudents. Ils enlaçaient leurs victimes de telle sorte qu'ils ne leur rendaient la liberté qu'après les avoir ruinés. On citait même quelques jeunes gens qui étaient morts de ces débauches habiles, et on ajoutait que ceux-là avaient tenté de secouer le joug et que pour les punir de leur révolte, on les avait tués de plaisir. Lucciola savait tout cela. « Oui, » murmurait-elle en ramant vers la pleine mer, où plus de brise rafraîchissait son front. « Oui, le noble enfant sera perdu si je le laisse avec ses bandits. Il est le premier qui comprit que mon dévouement filial était respectable. Il était sincère quand il me disait son amour. Peut-être auront-ils déjà eu le temps de lui pervertir le cœur. Peut-être ne trouvera-t-il plus sa sainte confiance dans les paroles de la fille des lagunes. Alors, j'ensevelirai mon rêve. Mais je lui ferai voir dans quel abîme il va rouler. Mais je le sauverai. Dussé-je mourir après, infidèle au serment que j'ai fait à mon père. » La Gavia volait vers l'île de Torcello. Frémissante de peur, mais aussi d'amour, Lucciola posa le pied sur le rivage. Le palais des gondoliers noirs, situé à 100 pas de la mer, flamboyait sous sa fête de toutes les nuits. Un retentissement de paroles confuses, un bruit de verre heurté et de chansons interrompues, de vagues émanations de vin, de parfums et de fleurs, sortaient par les fenêtres ouvertes. Avant de franchir ce seuil maudit, la jeune fille recommanda son âme à Dieu. Elle se présenta à la porte. Les valets, occupés du service, ne firent pas attention à elle, mais bientôt, l'ayant reconnue, ils la chassèrent en s'écriant « La folle ! La folle !» Elle essaya des larmes et des supplications. Mais comme on la repousse avec violence, elle allait appeler Nestor d'une voix désespérée quand un bruit d'épée se fit entendre. Palpitante, et comme si chacun des coups eût répondu dans son cœur, le Tiola tomba à genoux. Le combat ne fut pas long. Une nouvelle chanson retentit dans la salle du festin, et Roncar y parut sur le seuil, tenant un blessé dans ses bras. Voici ce qui s'était passé. Nestor, placé à table auprès de la Gatinara, respirait deux flammes à la fois, celle du vin doré pourpre qui coulait dans son verre, et celle des regards ardents qui le caressaient dans les yeux noirs de la courtisane. Les convives étaient gais, jeunes et beaux, les mots charmants étincelaient comme le cristal, l'or et la porcelaine de Chine répandus sur la nappe. La liberté qui sourit aux buveurs faisait à chacun la part de joie facile. De temps en temps, dans les rares intervalles des rires et des chansons, la mer, qui battait les murs du palais, envoyait à la fête les soupirs sonores de ses vagues voyageuses. La nuit étoilée souriait aux fenêtres. Mille parfums mêlés engourdissaient les rêveries éphémères de ces pensées qui se produisent en paroles légères et bondissantes. Une fraîche brise faisait frissonner en même temps les bougies et les épaules nues. Toutes les femmes étaient belles, mais Nestor avait la plus belle. Toutes les saillies réussissaient, mais celle de Nestor avait une forme particulière. Après tout, se disait-il dans la demi-lueur de sa raison, c'est une belle nuit. Voilà bien Venise telle que je la croyais impossible, il y a quelques heures, dans la chambre du vieux palais. Vive les heures qui tombent de l'horloge de Saint-Marc. Vive les villes qui meurent dans de pareilles fêtes. Vive, ô Gatinara, vive ta joie, puisqu'elle m'éclaire. Vive ta beauté, puisqu'elle m'appartient. C'est là une question, Seigneur, interrompit un des voisins de Nestor. Celui-ci s'aperçut alors qu'il avait pensé tout haut et regarda fièrement son interrupteur, qui avait une rude moustache et un rude regard. Allons, s'écria Roncari, recommencez-vous votre interminable querelle, marquis? Vous savez bien que la Gatinara n'a jamais voulu de vous. Personne, je pense, ne m'empêchera de la donner à qui bon me semble. Quant au jeune seigneur français, c'est mon hôte, et je défends que l'on lui touche. Alors, s'écria celui qu'on appelait le marquis, son insolence peut se mettre à couvert sous votre protection. Il m'insulte en prenant pour sa maîtresse une femme que j'aime. Il n'y a d'insolent ici, s'écria Nestor en se levant, que celui qui me provoque et qui se hasarde à douter de mon courage. Voyons le sien. Et en même temps, il courut à un trophée d'armes suspendu à la muraille, prit une épée et en jeta une autre au pied du marquis. « Imprudent !» dit Roncari, qui s'était approché de Nestor. « Le duel est puni de mort à Venise, et si vous avez le malheur de blesser ce gentilhomme, vous serez obligé de vous cacher parmi nous plus longtemps peut-être que vos projets ne l'exigeraient. »« Eh bien, » reprit Nestor avec enthousiasme, « la perspective n'est pas si effrayante. En garde, seigneur marquis, et songez que la Gatinara est au bout de nos épées. » Les fers se croisèrent. Pendant une minute, les épées tournèrent dans un cercle de feu. Mais Nestor avait l'avantage, il fit reculer le marquis et le cloua au mur en lui traversant l'épaule. Nestor pâlit un instant, puis ramenant ses yeux vers la Gatinara, qui avait admirablement joué l'épouvante. « Voilà nos fiançailles, ma belle. Tu étais trop charmante pour qu'on n'essayât pas de te mériter. » Et il revint se placer à côté d'elle. Des bravos l'accueillirent. On entonna en son honneur un chant de victoire, et Roncari emporta le marquis qui paraissait mortellement frappé. C'est à ce moment-là que Luciola aperçut Roncari. Elle lui fit un signe, et il s'approcha d'elle quand il eut déposé son fardeau dans les bras des balais qui étaient accourus. « Ne vous étonnez pas de me voir ici, lui dit-elle. Ma destinée m'y a poussé malgré les injustices que j'y dois trouver. Chaque fois que vous m'avez rencontré sur les canaux, vous m'avez traité en ennemi, Roncari. J'étais seul, pauvre et faible. Je n'ai jamais cherché à vous nuire. Je ne demande qu'un peu de place pour ma gondole, un peu de soleil pour sécher mon front mouillé, un peu d'indifférence autour de moi pour me laisser vivre comme Dieu me l'ordonne. Et vous, Roncari, vous m'avez toujours raillé. Vous m'avez toujours montré au doigt, et même, honte sur vous, vous m'avez un jour menacé avec votre rame. Eh bien, malgré ces outrages, je ne puis pas oublier que nous sommes tous deux enfants de Venise, et je viens vous demander un service. « Écoute, répondit-il, j'avoue que ma conduite a été dure et injuste. Mais aussi, Luciola, souviens-toi des jours où, le cœur pur encore, j'arrivais auprès de toi, n'osant pas même te dire combien je t'aimais. Dans ce temps-là, avec un sourire que j'aurais payé de mon âme, avec une espérance que tu ne m'as jamais donnée, tu aurais fait de moi un honnête homme. Je ne rêvais pas d'autre bonheur qu'une chambre avec toi dans une pauvre cale. une barque où je t'aurais bercé avec nos enfants, une humble vie où nous aurions aimé, souffert, prié ensemble. Alors, comme tu étais fière et dédaigneuse, comme la fille des doges humiliait le gondolier, maintenant je me souviens et je me venge. Mais c'est une lâcheté envers une femme. Je ne me rendrai plus coupable. Que demandes-tu? Si la chose n'est pas impossible, tu l'auras. Une entrevue de 5 minutes avec le jeune étranger que vous avez enlevé cette nuit. Ah, dit-il, celui-là a donc échauffé ton cœur de marbre. Tu demandes beaucoup, Luciola. Mais je paierai, reprit-elle avec une fierté triste. Je n'ai qu'une chose au monde, la Gavia. Elle est à vous, si je peux parler aux voyageurs. Comme tu l'aimes, interrompit Roncari. La Gavia, mais c'est ta vie. N'importe, ta gondole est la meilleure de Venise. Avec elle, je ne craindrai plus personne aux régates. J'accepte. À présent que nous nous sommes parlé, tu peux revenir sans crainte sur les canaux. Hélas, répondit-elle en regardant tristement sa barque, vous ne m'y verrez plus. Roncari revint trouver Nestor. Une femme vous demande, lui dit-il. Une femme? Répondit Nestor. Il n'y a qu'une femme à Venise, la Gattinara. Dites que ma nuit est prise. Excellence, c'est Luciola qui vous attend. À ce nom, Nestor se leva comme enlevé par un aimant. En une seconde, il pâlit et rougit deux fois. Il porta les yeux vers le point du ciel qui apparaissait au-dessus de la haute fenêtre. Puis, après avoir jeté un dernier regard d'un indéfinissable dédain sur les convives, que la surprise avait groupés au hasard, il partit comme un éclair. « Diable !» pensa Roncari. « Décidément, je serai sa dupe avec ma générosité. Mais le Milan ne laissera pas la mouette lui enlever sa proie. » Il descendit à la hâte, courut vers une des gondoles amarrées au port, enleva un cadenas, puis se glissa dans l'ombre jusqu'à la Gavia, qui était attachée par une chaîne roulée autour d'un anneau, y fixa le cadenas, et disparut avant que Luciola et Nestor aient eu le temps de le voir. Luciola prit la main du jeune homme, le conduisit à la gondole, et le fit asseoir à côté d'elle sans rien lui dire. L'aurore ne s'annonçait que par une brise plus fraîche qui ridait la mer. « Vous avez froid ?» lui dit-elle. « Il faisait meilleur là-haut, n'est-ce pas ?»« Oh » répondit-il d'une voix émue et profonde. « Pardon. »« Je ne vous ferai pas de reproches, » reprit-elle. « Vous avez oublié, dans cette joie universelle, la pauvre fille qui vous avait tristement dévoilé son cœur. Cela devait être ainsi, et je l'avais prévu. Mais il faut que je vous parle. Il faut que je vous sauve. Écoutez-moi. » Il lui raconta tout ce qu'elle savait des gondoliers noirs. Elle fut éloquente et elle fut belle. Elle s'inspira du deuil de Venise et de l'abjection de tous ses esclaves. Elle gagna facilement sa cause. Le cœur de Nestor était convaincu avant même qu'elle ouvrît la bouche. Épouvanté de l'avenir qu'elle lui déroulait, revenant à elle d'autant plus qu'il s'en était éloigné, ému jusqu'au fond de l'âme de l'amour qui s'était laissé voir dans ses craintes, il lui répondit sans cacher son désespoir. « Que faire ? Je suis parrain par un lien de sang. Un de ces misérables a insulté mon honneur. Il n'osa point dire ma maîtresse. Je l'ai blessée, et mortellement, je crois. Rassurez-vous, interrompit-elle avec un sourire de dédain. Cette rencontre est dans leur programme. Ils vous auraient enchaîné à eux par la crainte d'une dénonciation. Mais tout cela est une infâme comédie. Ils ont un acteur pour ce rôle-là. Celui que vous avez tué l'a déjà été 10 fois, et ressuscitera dès que sa légère blessure sera cicatrisée. « Eh bien, » reprit Nestor qui se sentait délivré d'un poids immense, « je suis libre alors, partons. Allons chercher ensemble des heures plus douces. Luciola, je vous bénis comme l'ange du matin, dont la voix a mis chasse le cauchemar. Soyons heureux, aimons-nous, partons. »« Aimons-nous, » répondit-elle avec un sourire qui cachait des pleurs. « Tout à l'heure, il n'y avait entre nous que ma destinée. Maintenant, il y a votre oubli. Partons, cette gondole n'est plus à moi. » Quoi, la Gavia? Il fallait bien acheter le droit de vous sauver. Nestor jeta une bourse sur le rivage. Je vous la rends, s'écria-t-il. Puis, comme dans un accès de fièvre, interrompant presque chacune de ses phrases et pressant convulsivement les mains de Luciola. Vous ne m'aimez pas, s'écria-t-il. Et pour m'empêcher de dépenser quelques écus de ma fortune et quelques années de ma vie, vous, la gardienne de mon honneur, vous donnez votre seul asile, votre espoir, votre toit, votre gondole, le seul héritage de vos pères. Vous ne m'aimez pas. Vous faites pour moi plus qu'une mère pour son enfant. Vous m'immolez votre jeunesse et votre vie. Vous renoncez à tout, car il faut la gondole pour rentrer le soir dans le vieux palais Fabiani. Ma pauvre enfant, qu'est-ce qui vous portera maintenant sur les flots de l'Adriatique? Où cacherez-vous votre belle tête pendant le jour quand, lassé d'un travail mystérieux, vous vous endormez pour ne pas voir votre patrie qui meurt? La Gavia, mais c'est votre monde, votre abri contre les flots enflammés du soleil, votre souvenir du passé, votre chimère de l'avenir. Luciola, ne nous torturons pas par des défiances cruelles. Vous m'aimez. Il n'y a plus de place pour vous dans l'univers qu'entre les bras que je vous tends. Soyez ma femme, comme vous avez été mon honneur. Arrachons-nous à ces ténèbres où ma tête s'est perdue. Partons, je vous le répète, ils peuvent revenir. Partons. Et Nestor couvrait les mains de Luciola de baisers et de souffles. Mais elle détournait la tête et répondait « Non, je dois résister aux caresses de la vie, non. Quand je vous aimerai, comme vous le dites, je ne m'unirai point à vous. Les habits de la fiancée ne sont pas faits pour la jeune fille qui a un deuil éternel à porter. Quand j'ai pleuré la noblesse de ma maison, je pleure mon père. Quand j'ai pleuré mon père, je pleure ma patrie. Ne prenez pas pour votre amante celle qui a déjà épousé des ruines. Cette gondole a été mon palais. Elle sera ma tombe, puisque vous me la rendez. Je n'en sortirai pas. » « Eh bien, interrompit Nestor, je serai votre hôte, et comme vous, je n'aurai pour univers que la flottante gondole. À nous deux, l'océan, puis la liberté, puis la mort. » En même temps, il appuya la rame sur le rivage et lança la barque, mais elle ne s'éloigna que de quelques pas, et la chaîne rendit un bruit sourd. Luciola s'avança, effrayée. Ils étaient captifs par une nouvelle trahison de Roncari. « Oh ! » s'écria-t-elle avec épouvante. « Vous parlez de liberté, et un bruit de chaîne vous répond. »« Et aucun moyen de fuir ?» reprit Nestor avec désespoir. « Ils vont revenir et me rendre infâme comme eux ?»« Aussi bien, » ajouta-t-il avec une amère expression, « qu'ils reviennent. Vous m'avez repoussé. » Alors Luciola, frémissante de peur et éperdue, n'écouta plus que la passion qui criait en elle. « Écoutez-moi, » lui dit-elle. « Il y a un moyen, un seul. Mais Dieu me pardonnera-t-il si je l'emploie ?»« Oui, mon cœur m'inspire, car ma destinée me pousse vers vous. Ce que je vais vous dire est peut-être une superstition ridicule, mais j'y crois. On croit au miracle quand on est désespéré. Je vous ai parlé d'une petite clé que mon père m'a remise en mourant. C'était celle qui devait m'ouvrir la porte mystérieuse que je cherche en vain depuis si longtemps. » La tradition de notre famille dit qu'elle ne pourra servir qu'une fois. La voici. Essayons-la. J'ai un sûr pressentiment qu'elle aidera notre délivrance. Nestor la regarda avec une religieuse reconnaissance. Songez-y, Luciola. En me donnant cette clé, vous me donnez votre vie. Eh bien, elle est à toi, reprit-elle, en s'agenouillant vers la chaîne de la gondole. La clé entra. À cet instant, Roncari et la Gattinara parurent avec des torches et s'élancèrent sur le rivage. Mais la Gavia, suivant la courbe des vagues que le vent poussait à Venise, disparut dans un sillon d'écume, et Nestor ne répondit aux malédictions de Roncari qu'en serrant Luciola sur son cœur. Quand ils arrivèrent dans le grand canal, l'aurore rougissait le vieux toit du palais Fabiani. Brighella était sur la porte, s'étonnant du retour de son hôte qu'il n'avait point vu partir. « Combien te coûte ton palais ?» lui cria Nestor. Brighella hésitait à répondre. « Ton auberge, si tu aimes mieux, » continua Nestor. « 10 000 piastres, seigneur. »« Je te donne 15 000 et tu les toucheras demain chez mon banquier. » Nestor et Luciola remontèrent dans la chambre où cette histoire avait commencé. Le jeune homme l'amena près du grand fauteuil, et considérant avec extase sa beauté plus éclatante encore au grand jour, « Luciola, » lui dit-il, « je t'ai trompé. Quand tu es venu hier soir, je voyais déjà ce trésor que tu cherches. La légende de ta famille a eu raison. Voilà ce qui devait lui rendre son vieux palais. Regarde !» Luciola leva son doux regard et suivit la direction de la main de Nestor. Alors, elle se vit rougissante et radieuse dans la glace qu'il lui montrait et répondit, en cachant sa tête sur le cœur du jeune homme, « Le trésor, ami, c'est notre amour. » Ainsi s'achève Luciola par Henri de Lacretelle.